verre à mort. Fuck le bon rôle, je reste là où j'enterre à mort. Demain nous transcende en deux, on se demande ce qu'on doit rendre à Dieu. Alors on le rend à la vie, on a le moral à vide. C'est pour ça que les inspi bluffent, bien avant le pain de Peter. C'est pour ceux qui parlent très peu, ceux qui s'avancent et ont si peur. Petit à force tu t'y perds, on apprend tout étant t'y peu. La question est d'anticiper, on apprend tout étant t'y peu. Même en étant dissipé, le single tu l'aimes quand t'y pètes. Ça ne fait que qu'un tu plais, t'as un gain même quand tu perds. L'expérience de quelqu'un du bled, ouais ma tête n'est pas d'humeur. Je ne fais que donner du mien, ils ne font que des rumeurs. Besoin de sens, sinon qui va stopper les effusions de sang? Parcelles de pensée, d'effusion de sang. Ceux qui n'ont rien à perdre ont besoin de sens. La naissance dès la naissance est un bilan d'essence. Tous mes anges sont partis quand mes démons se révoltèrent. Je suis une balle perdue, pas le revolver. Je tire que sur la verdure, j'ai juste besoin que les mauvais jours passent comme l'hiver. Je suis pas à contresens, j'ai pris le bon mais peut-être à l'envers. On se plaint du vacarme, c'est aussi nous qui l'orchestrons. Heureusement que j'ai le son car chaque jour je pense à mes gavas qui se posent toujours ce genre de questions. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? J'ai bientôt 30 piges, je suis dans le tiexon. Peu d'actes précis et tant de pression. Car on se dit qu'il faut qu'on atteigne le sommet, qu'il y ait nos noms tout en haut d'un building. Mais pour l'instant c'est juste le rez-de-chaussée. Faire du bif avant de faire des gosses, comment kiffer quand tu ne fais que bosser? T'as l'impression qu'on te met de côté, tu vois ce qui le daron qui essaie de causer. Lui-même sait que c'est pas facile de faire des lovés. Tous mes anges sont partis quand mes démons se révoltèrent. Je suis une balle perdue, pas le revolver. Je tire que sur la verdure, j'ai juste besoin que les mauvais jours passent comme l'hiver. Je suis pas à contresens, j'ai pris le bon mais peut-être à l'envers. Personne ne vole plus que le maire, mais c'est toujours les miens qu'on descend. Les jeux de lumière dans le ciel rendent les nuages incandescents. Les flics butent en toute impunité, y'a plus cette putain d'unité. Ils s'appellent au boycott quand je sors ma plume pour dépeindre une idée. Nostalgique sur des centres de jazz, que reste-t-il de l'exemple du Tché? Des ONG dans les zones d'Enjar et le pillage de l'Afrique s'entretient. C'est le pillage du fric, c'est l'histoire du diable et nous on a que nos vies. Ils veulent relancer l'économie, désastre écologique. Pardonnez-moi d'être plus émotif que logique. Quand la nuit tombe j'ai parfois dit des conneries. Je prends le risque que les médias me calomnient. Je peux pas me taire face aux injustices que l'on nie. En Palestine, il faut stopper les colonies. Sinon qui va stopper les effusions de sang? Des parcelles de pensée, des fusions de sang. Ceux qui n'ont rien à perdre ont besoin de sens. L'indécence dès la naissance est un bilan d'essence. L'entourage, que tu connais comme nous, Chef G, Team Barbigo, L'homme fond, toujours dans les paplas. Escombs, Janso, Kenji Cotton, Meshabox, Grande Ville, Sensu Record. On arrive énervé. Hachi Feneyla, Pedrito. C'est ça ton problème.